Les singes. Allez voir les singes, entre parenthèses, maudits gamins. Ils ont tout déchiré leur fond de culotte. Grimper, danser au soleil neuf, se fâcher, se gratter, éplucher des choses et boire, avec une grâce primitive, tandis que de leurs yeux, troubles parfois, mais pas longtemps, s'échappent des lueurs vite éteintes. Allez voir les flamands, qui marchent sur des pincettes, de peur de mouiller, dans l'eau du bassin, leurs jupons roses. Les cygnes et la vaniteuse plomberie de leur col. L'autruche, ses ailes de poussin et sa casquette de chef de garde responsable. Les cigognes qui hausse tout le temps les épaules. À la fin, ça ne signifie plus rien. Le marabout frileux dans sa pauvre jaquette. Les pingouins à McFarlane. Le pélican qui tient son bec comme un sabre de bois. Et les perruches dont les plus apprivoisés le sont moins que leur gardien lui-même, qui finit par nous prendre une pièce de 10 sous dans la main. Allons voir le yak, lourd de pensées préhistoriques. La girafe qui nous montre, par-dessus les barreaux de la grille, sa tête au bout d'une pique. L'éléphant qui traîne ses chaussons devant la porte, courbé, le nez bas. Il disparaît presque dans le sac d'une culotte remontée. Et derrière, un petit bout de queue, pan. Allez donc voir le porc-épic, garni de porte-plumes bien gênants, pour lui et son ami. Le zèbre, modèle à transparent de tous les autres zèbres. La panthère, descendue au pied de son lit. L'ours qui nous amuse et ne s'amuse guère. Et le lion qui bâille à nous faire bâiller.